Un jour après l'autre. L'introspection n'est pas de mise pour Faustine au cours des semaines suivantes. Miséricordieuse, la vie ne lui laisse pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Quoique. Fin décembre, ses parents font un saut à Paris avec des munitions. Bouteilles sur la table basse. On trinque à l'année 1986 avant de décider que Faustine, qui mélange allègrement scotch et antidépresseur, ne peut pas rester ainsi. On craint vraiment pour sa santé mentale autant que physique. Elle doit se faire soigner sérieusement. C'est le grand dada de maman, soigner les gens. Elle n'en est pas à son coup d'essai. En général, ça fonctionne pour tout le monde, sauf pour elle-même. En l'occurrence, la reine-mère connaît à Lausanne un excellent psychiatre aux compétences avérées. Sitôt rentrés de leurs vacances à Saint-Rémy, ils prendront rendez-vous pour Faustine et lui transmettront la date et l'heure dès que possible. Le professeur étant très sollicité, comme tous les experts, cela risque de prendre un peu de temps. Mais on se charge de lui faire comprendre à quel point le cas est urgent. Encore une manière pour maman de reprendre le contrôle sur sa fille. Pas urgent au point de renoncer à partir en vacances comme prévu, fait cependant remarquer Maxime. N'oubliez pas que nous serons aux Arcs entre le 16 et le 31 janvier. Comme quoi ma santé mentale compte pour du beurre, remarque Faustine. Sitôt que papa-maman ont tourné les talons, Maxime appelle l'AMF, Association des myopathes de France. Il est reçu chaleureusement par la secrétaire. Elle lui donne la date de la prochaine assemblée générale. Le but est de faire connaissance et de partager les expériences. On dénombre 20 000 cas de myopathie en France à ce jour. En provenance directe des USA, Maxime et Faustine représentent une précieuse source d'informations. Pourraient-ils établir un document résumant leurs acquis et détaillant les différentes thérapies et soins à appliquer? Bien sûr. La suite de la conférence actualise et complète les données scientifiques. C'est à ce moment-là que Maxime et Faustine apprennent, par le biais de l'expérience d'une famille présente, qu'en fait, si le premier bébé d'un couple porteur du gène défectueux est atteint, il y a plus de 90% de présomption que tous les enfants suivants le soient aussi. C'est fichu. Nous n'aurons plus jamais d'enfants. Le choc est rude, plongeant la jeune femme dans la consternation la plus totale. Espérant échapper à cette condamnation grâce à des informations de première main, ils invitent Isabelle et son mari Bernard, ainsi que leur petite Emmanuelle, à déjeuner le dimanche suivant. Faustine est bouleversée par ce garçonnet de 4 ans frappé par le syndrome de Warning-Hoffmann de type 2, diagnostiqué dès la deuxième année. Julien, lui, était atteint du type 1 qui touche les bébés in utero. L'espérance de vie du petit Emmanuel est de 10 ans au maximum. Actuellement, il ne tient debout qu'au prix d'un harnachement métallique incroyablement contraignant et manifestement douloureux. Il n'est que de l'entendre pleurer lorsque sa maman tente de le soulager en desserrant les attelles à l'heure de la sieste. Au cours du repas, Isabelle et Bernard ne peuvent hélas que confirmer les craintes de Faustine, ayant eux-mêmes abandonné toute velléité de nouvel enfantement, le risque étant trop élevé que la situation se reproduise. Parmi leurs amis de l'association, beaucoup sont dans le même cas. Au dessert, le couple confie à Maxime et Faustine les dissensions qui règnent au sein de l'association, les luttes de pouvoir et leurs propres doutes quant à la prise en compte efficace des myopathies, par la médecine d'une part et par la science en général. Il faut absolument apporter plus de moyens à la recherche, proclame-t-il. En étudiant les actions menées par les autres pays, ils ont entendu parler du Téléthon. Ils rêvent d'importer ce marathon télévisuel tellement en vogue aux États-Unis, ne doutant pas de réussir à lever des fonds importants. Les chercheurs et les responsables scientifiques auxquels ils se sont adressés jusqu'à présent leur ont bien fait comprendre que sans contrepartie sonnante et trébuchante, personne n'investira du temps et des moyens dans une maladie orpheline trop peu rentable pour l'industrie pharmaceutique. Le travail de recherche est tellement ingrat. En 1986, on n'a pas encore d'avancée vraiment sérieuse sur le génie génétique, qu'il faut motiver les gens. Quoi de mieux pour cela que beaucoup de pognon et la responsabilité d'un laboratoire tout neuf? Quand les deux couples se séparent, ils n'ont pas beaucoup fait avancer le schmilblick. mais au moins leurs yeux sont dessillés et leurs données actualisées. Désormais, ils savent à quoi s'attendre. Il ne tient plus qu'à eux de devenir créatifs. Ne t'inquiète pas, Mastine, on trouvera autre chose. Tout n'est pas perdu. Ils nous rebattent les oreilles avec les expériences du professeur Papiernik sur la fécondation in vitro en ce moment. On va aller voir, il pourra sûrement nous aider. Rendez-vous est pris. Émile Papiernik, chef du département de gynécologie obstétrique à l'hôpital Antoine Blechler de Clamart, est à l'origine, avec son collaborateur René Friedman, de la naissance du premier bébé éprouvette français, Amandine, en 1982. Maxime et Faustine, instruits de la notoriété du professeur, qui semble passer plus de temps à la télévision que dans son cabinet, sont extrêmement surpris de se voir convoqués dans la semaine. Ponctuels au rendez-vous, ils en sortiront un quart d'heure plus tard, le professeur leur ayant expliqué rapidement qu'ils n'ont pas besoin d'en passer par la complexité administrative et technique de la fécondation in vitro en ce qui les concerne. Il leur signe une lettre de recommandation pour le service d'insémination artificielle de l'hôpital Necker. Cela vous coûtera infiniment moins cher en temps et en argent. De plus, madame ayant déjà été enceinte et étant en parfaite santé, il n'y a aucune raison pour que le processus échoue. Faustine voit s'entrouvrir la toute petite porte de l'espoir. De plus, maman lui communique par téléphone son rendez-vous avec le psychiatre prévu le 4 février prochain à Lausanne. Elle a tout juste le temps d'accompagner Maxime aux Arcs en vacances de ski, puis de revenir faire ses bagages. Étant donné qu'elle ne compte pas rester à Lausanne plus longtemps que nécessaire et qu'à ses yeux un mois sera bien suffisant pour se soigner, la jeune Candide préfère attendre son retour en France pour contacter Necker. En attendant les vacances, Faustine plonge sur le document demandé par Isabelle concernant les soins homéopathes. Elle le termine et l'envoie avant de partir. Pendant que Madame Thatcher et Monsieur Mitterrand annoncent leur décision de relier la France et la Grande-Bretagne par un double tunnel ferroviaire sous la Manche, aux Arcs, Faustine skie peu. Quand il neige, elle gribouille ses doléances dans des petits cahiers. Les cahiers de la haine, comme les appelle Maxime, à qui Faustine a fait lire quelques pages, imaginant à tort qu'il la comprendrait. Lorsque le soleil brille, elle se contente de monter en télésiège jusqu'à 3000 mètres. Là, en retrait des descendeurs effrénés, elle s'étale dans la neige bras en croix. Au plus près du ciel, elle converse télépathiquement avec son bébé. De retour à l'hôtel, Faustine reste abonnée au bar, contribuant à la bonne santé financière de l'établissement. Elle garde un œil sur la télé où Coluche lance un appel pour soutenir son opération « Les Restos du cœur » et un autre jour assiste en direct ou presque à l'explosion de la navette Challenger avec 7 personnes à bord. Maxime, cependant, s'inquiète beaucoup de la consommation d'alcool de la chérie. Le batteur de l'orchestre, Karl, est venu avec sa nouvelle maîtresse. Contrairement aux précédentes, celle-ci est nettement plus âgée que lui et très malade. Un cancer, paraît-il. Karl l'a invité pour lui permettre de passer du bon temps à la montagne une dernière fois. C'est vraiment un gentil garçon. Aussi, Faustine ne s'étonne pas trop quand il l'approche, visiblement sollicitée par Maxime. Faustine est flattée de l'attention qu'elle reçoit, mais ne peut s'empêcher de rire quand Karl préconise le lait à la place du vin, le thé à la place du whisky, tout en étant persuadé qu'il ne s'agit que d'une question de volonté. S'il est vrai qu'elle culpabilise, comme tout bon alcoolique, de sa faiblesse et de son vice, elle sent intuitivement, par contre, que changer le vin en lait ne suffira pas à résoudre son problème. Elle explique à Karl que cela fait bien longtemps qu'elle a compris qu'elle ne pourra rien faire toute seule. Elle en parlera à son psychiatre dès leur premier rendez-vous. De son côté, afin de l'encourager, Maxime promet de mettre tous les moyens en œuvre pour combler leurs désirs parentaux. Alors que cette fois, Faustine hésite, c'est lui qui enfonce le clou, prétendant ne plus pouvoir se passer d'un enfant d'elle. Aurait-il peur de la perdre? Faustine n'en a plus grand-chose à faire après tout. Bien au contraire. La voilà qui se met à rêver d'un homme imparfait, plus jeune, avec lequel elle ferait un bout de chemin. Ils auraient les mêmes défauts, les mêmes penchants, Ensemble, ils arrêteraient de boire, de fumer et auraient beaucoup d'enfants. Si seulement elle pouvait redevenir la fillette innocente d'autrefois, celle qui, à 4 ans, du fond d'un bateau sur le lac des quatre cantons, admirait la voie lactée, celle pour qui tout était encore possible. À Maxime, elle dit vouloir arrêter totalement de boire, parce qu'elle sent confusément que dans ce domaine, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Mais il ne t'entend pas de cette oreille, il ne lui en demande pas tant. En fait, il aime bien quand elle est légèrement pompette. Il la trouve sexy, désinhibée, ce dont il profite largement. Les avantages sans les inconvénients, voilà son idéal. Est-ce que Faustine pourrait travailler dans ce sens? D'accord, si de ton côté tu travailles pour me procurer une voiture. Je reviendrai quand elle serait là. Décidément, mariage, bébé, voiture, il aura fallu batailler dur pour obtenir satisfaction. Début février, Faustine débarque en gare de Lausanne, puis descend au centre catholique universitaire où maman travaille depuis plusieurs années. Son appartement de fonction comporte 2 chambres à coucher, une pour elle, l'autre pour papa, ainsi qu'un grand salon, une cuisine et une salle de bain. Contrairement à ce qu'elle avait promis, il n'y a pas de place pour Faustine au centre. Maman a du travail, elle n'a pas le temps de cajoler Fifi. Celle-ci peut dormir une ou deux nuits dans le studio voisin, libre provisoirement, mais devra se trouver un logis Fissa. Après tout, les offres ne manquent pas sur la place de Lausanne, et elle en a les moyens. Passé le tout premier moment de désarroi, Faustine se fait une raison, appréciant l'ouverture offerte. Après tout, n'avait-elle pas rêvé de solitude? Et tant qu'à faire, quitter l'appartement familial, tout pue la cigarette froide, y compris le linge mis à sécher dans l'entrée, ce n'est pas franchement désagréable. Dès le premier rendez-vous chez le psy, Faustine comprend qu'elle perd son temps. Les dés sont pipés et l'homme se contente de lui tendre des mouchoirs. Selon lui, tout vient de son deuil récent. Si elle s'aventure à évoquer les autres aspects et le contexte, les pensées suicidaires, la prise de médicaments, l'ingestion d'alcool, il élude. Faustine sort du cabinet déçue et frustrée. Sur le chemin du retour, dans une petite agence de location, on lui propose un studio meublé au chemin du Frêne, une petite impasse tranquille sur les hauts de Lausanne. Ce n'est même pas tellement cher, à peine 700 francs par mois. Par contre, elle doit verser une caution importante et devra y rester 3 mois au minimum. Quelle aubaine !